T'es en Suisse, t'as, moi je suis à la frontière suisse. Trop drôle, trop fun. Hey. Ça va, ça joue. Benjamin nous a quittés, quoi. Arrête, on dirait Manu. Excellent. Ça tue. Il a fait caca. Take me home to summer day, yeah. On va tourner moins vite, quoi. On va se calmer, on va se détendre. Maman a fait du cake. Thank you. Thank you. Excellent. feel.